Sinon, ça devient du Michael Field. D'ailleurs, Michael Field me demande s'il a pas un peu. Si, si, mais pas à la guitare, hein. Enfin, pas ce morceau à la guitare. Celui-là, au violon, ouais, mais à la guitare. J'admire la performance, mais ça me casse le mythe. Sur la fretless une fois tous les 6 mois. Thank you. écoute et... Ça s'appelle un chef-d'œuvre. Thank you.